إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 51 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim Cheikh al-Islam Muhammad bin Abd al-Wahhab Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Subhanallah, des fois je suis dans la lune avec un chien. Oui, non, c'est ça. Cheikh al-Islam Muhammad. Hein? C'est pas Mohamed, c'est tellement l'habitude de dire Cheikh al-Islam Mohamed. Allah al-Musta'an. Non, c'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui s'intitule Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat ou Ashab al-Jahim avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre qui s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Au dernier cours, on avait lu à la fin la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah quand il dit wal muhajir man hajara ma naha Allah anhu wal jihad baqin ila yawm al qiyamah fa kullu shakhs yumkin an yaquma bi hadhan al wasfan id kathirun min al nufus al layyinah tamil ila hajr al sayyiat dun al jihad wal nufus al qawiyyah tamil ila al jihad dun hajr al sayyiat wa innama عقد الموالاة لمن جمع الوصفين وهم أمة محمد حقيقة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به إيمانا صادقا حقيقة. أي نعم. Donc on avait, parce qu'on avait cité dans les versets juste avant de mentionner cette parole, on a cité les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle de la hijra et du jihad. D'accord? Et c'était tout par rapport, bien entendu, pour montrer la distinction entre la umma de l'islam et la façon dont agissent les juifs et les chrétiens. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, nous ordonne de nous distinguer des juifs et des chrétiens en justement prenant uniquement pour alliés les croyants. Et il cite à ce sujet-là des versets comme le verset 51 dans Surat al-Ma'ida, le verset 14 dans Surat al-Mujadala, et les versets 22 dans Surat al-Mujadala, et d'autres versets également comme le verset 72, 73, 74 et 75 dans Surat al-Anfal. Donc tous ces versets-là, on les a lus, et c'est des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux croyants de prendre pour alliés les kuffars, et il interdit aux croyants d'aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'est des gens de notre propre famille. Et également, il mentionne par la suite que ceux qui ont cru, ce sont ceux qui ont cru et qui ont fait la hijra, qui ont lutté dans le sens d'Allah, qui ont fait le jihad avec leurs biens et leurs personnes dans le sens d'Allah, et qui ont défendu l'islam, qui ont défendu le prophète, et qui l'ont et aller recueillir lorsqu'il avait besoin de refuge, et ainsi de suite. Ceux-là, ce sont les croyants et ils sont alliés des uns des autres. Donc, pour dire que ceux qui sont des alliés entre eux sont les croyants seulement, et non pas les kuffars. Mais aujourd'hui, les gens, en général, ils agissent selon national, par nationalisme, ou par accoutumance, il y en a du fait que lorsqu'ils ont des liens ethniques, eh bien, ils s'apparentent entre eux, puis ils se prennent les uns pour les autres comme alliés, sans tenir compte de la croyance religieuse ou de la foi. Et ça, c'est en contradiction avec l'islam et avec al-wala wal-bara, avec le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et donc, si quelqu'un, par exemple, il est musulman, hein, et il vient, par exemple, de Chine, eh bien, il ne va pas dire, ben moi, mes alliés sont tous les Chinois, même s'ils sont bouddhistes, même s'ils sont athées, même s'ils sont communistes, hein, peu importe, c'est pas grave, moi, mes alliés, c'est les Chinois. Et tous ceux qui ne sont pas Chinois, même s'ils sont musulmans, ce ne sont pas mes alliés. Eh bien, ça, c'est interdit dans l'islam. Dans l'islam, le fait d'aimer et de s'attacher et de s'allier, ça doit être basé sur la foi et sur l'islam. Donc, si quelqu'un, par exemple, il vient d'Afrique, ou il vient d'Asie, ou peu importe, il ne va pas uniquement prendre pour allié ceux qui viennent de la même région que lui, ou qui parlent la même langue que lui, ou qui ont la même couleur que lui, ou qui ont la même ethnie, ou qui sont nés sur le même territoire que lui, et ainsi de suite. Non, il doit aimer pour Allah et détester pour Allah. La même chose pour quelqu'un, par exemple, s'il est né en France et qu'il est musulman, eh bien, il ne doit pas dire, moi j'aime seulement ceux qui sont français et qui sont nés en France et qui sont français comme moi, qui parlent français comme moi et qui sont sur le territoire, mais il doit dire, moi j'aime uniquement ceux qui croient en Allah et en son messager, et il prend uniquement pour allié et pour allié ceux qui sont sur la même voie que lui, ceux qui sont juifs ou ceux qui sont chrétiens ou ceux qui sont athées ou ceux qui sont bouddhistes ou ceux qui sont laïcs ou d'autres tendances, eh bien ce ne sont pas ses alliés, hein. Même s'ils sont du même pays, même s'ils ont la même citoyenneté, le même passeport, l'allégeance et l'alliance est basée sur l'islam, sur le tawhid, et non pas sur l'origine. Donc ça, c'est un fondement important dans la croyance islamique, et ça, c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. On avait parlé au dernier cours de la citoyenneté, puis on avait mentionné que beaucoup d'ulama, comme Cheikh Ibn Baz et le comité permanent de fatwa de l'Arabie Saoudite et d'autres, on mentionnait que c'est interdit pour un musulman de prendre la citoyenneté d'un pays mécréant. Et ça, c'était. On a parlé de ça, puis il y avait un frère qui était venu la semaine passée, mais lui, c'était un frère qui n'a pas étudié la religion, donc il ne connaît pas, il n'est pas au courant de ces détails de la religion. Il pratique l'islam, mais uniquement de façon, disons, traditionnelle. Il fait la salat, et c'est tout. Mais il connaît pas, il n'a pas étudié en profondeur la aqida, il n'a pas étudié en profondeur les questions qui ont rapport avec les fondements de l'islam. Donc pour lui, le fait de dire qu'on n'a pas le droit de prendre la citoyenneté des pays non musulmans, ça l'a vraiment choqué. Parce qu'il ne comprend pas le lien qu'il y a entre ça et le fait d'être musulman. Toutefois, quand tu comprends le tawhid et quand tu comprends les fondements de l'islam, eh bien, tu comprends le rien, puisque quand tu prends la citoyenneté d'un pays, la nationalité d'un pays, eh bien, ça implique que tu dois porter allégeance à ses dirigeants, porter allégeance à son système, à ses lois. Et même si tu dis que tu n'es pas d'accord, mais tu vas être obligé d'y avoir recours, ou bien d'être, soumis à ce système-là tôt ou tard. Hein, si tu as un problème quelconque, par exemple, lorsque tu veux te marier, lorsque tu veux te divorcer, lorsque tu veux, lorsque tu as une naissance, lorsque tu as un décès, lorsque tu as des problèmes avec l'héritage, lorsque tu as un conflit avec ton voisin, lorsque tu as un problème avec une compagnie, ou bien quand tu as une compagnie toi-même, ou tu as un business ou des affaires, tu veux régler les conflits avec quelqu'un, tu es obligé de passer par le système juridique, tu es obligé de faire ci, tu es obligé de faire ça. Et là, tu t'aperçois que beaucoup de choses sont en contradiction avec les principes de ta religion. Donc, la raison pourquoi tu es dans cette situation-là, c'est parce que tu t'es mis dans ce contexte-là où tu sais que les choses sont en contradiction avec l'islam. Et il y a des gens comme par exemple, dernièrement, il y a un frère qui m'avait envoyé un lien de Tariq Ramadan. Donc, il a fait une conférence avec Hamza Youssef, un soufi américain qui s'est converti à l'islam, puis qui a étudié en Mauritanie, mais il a étudié avec des soufis. Et il a l'aqida de l'Ash'ariya, puis il croit en Wahdatul Wujud, puis toutes sortes d'autres croyances de shirk et de bid'a. Naam. Donc, subhanallah, ils ont fait une conférence à l'université d'Oxford. Et ils posaient des questions, ils parlaient au sujet de la réforme de l'islam. Donc, pour eux, il faut changer l'islam. Et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est qu'ils veulent essayer de créer un fiqh spécial pour les musulmans d'Occident, pour soi-disant adapter l'islam au contexte occidental, et donc ils croient que pour arriver à ça, il faut créer un nouveau fiqh. Et non seulement ça, pas seulement créer un nouveau fiqh, mais même créer des nouveaux fondements du fiqh, des usul al-fiqh nouveaux, spécial pour l'Occident. Hein? Et donc, il croit, parce qu'il dit que dans l'islam, les musulmans et les ulama ont toujours su comment adapter les règles de la charia au contexte social, au contexte de l'environnement des différents pays musulmans. Et là, il pense que lui, ça c'est la même chose en Occident, que les musulmans, les savants musulmans sont capables, s'ils connaissent bien la société, d'adapter les principes de la religion musulmane à la société européenne et occidentale. Toutefois, c'est pas ça la question, c'est pas que. C'est-à-dire que la question, la comparaison qu'il fait entre les deux exemples, c'est des comparaisons totalement différentes. C'est-à-dire que c'est deux choses complètement différentes. Puisque d'adapter l'islam dans les pays musulmans, mais qui ont des cultures ou des traditions ou des choses différentes, c'est une chose, puisque c'est des pays déjà à la base qui sont des pays musulmans, et les gens de ces pays-là sont déjà musulmans, pratiquent l'islam, peut-être qu'ils ont des petites différences culturelles ou des petites différences géographiques, des choses de ce genre, mais ça ne va pas changer le fait qu'ils doivent tous s'adapter, eux, à l'islam en premier. Et après, s'il y a des choses dans lesquelles il y a des flexibilités ou des possibilités d'adaptation, là, on peut faire en sorte qu'on clarifie les règles pour que les gens puissent appliquer des choses s'il y a des aspects de la charia qui permettent, il y a les différentes choses, alors là, oui. Mais, par contre, si c'est de dire que là, tu t'en vas dans un contexte, dans une société où les lois et les règles sont totalement contraires à l'islam et qui sont différentes, complètement différentes à l'islam, puis que là, tu dis, on va adapter ça, on va adapter l'islam à cette société-là, eh bien, en réalité, ça veut dire que tu es obligé de déformer la religion. Et Hamza Youssef, Allah al-Musta'an, il a donné un exemple de ça. Il a dit, j'étais dans l'avion, puis j'étais avec, il a cité un Hizbi avec qui il était assis. Il a dit, on s'en allait au Koweït. Il a dit, je pense qu'il s'en allait au Koweït. Et il a dit, il y a une femme qui était musulmane, parce qu'il y a une femme qui a, la femme elle lui a posé la question, comment on fait pour élever nos enfants dans cette société? Parce que c'est vraiment difficile. Alors, elle était très émue en posant la question, puis elle était vraiment, elle avait peur, on dirait qu'elle pleurait, tu vois. Et lui, Hamza Youssef, le soufi, il a répondu, puis il a commencé à dire, oui, j'étais dans l'avion, et ainsi de suite. Et là, il dit, le gars qui était avec moi, il lui a posé la. Il y avait une hôtesse de l'air, elle était musulmane, c'était écrit son nom, on voyait que c'était une musulmane. Alors il a dit, le musulman qui était avec moi, il a dit à la femme, comment tu fais pour, comme si, faire tes prières dans l'avion? Est-ce que tu fais tes prières dans l'avion? Elle a dit, oui, oui, je fais mes prières en arrière, et ainsi de suite. Après, il lui a dit, mais comment tu fais pour, comme quand tu dois servir de l'alcool aux passagers? Puis elle a dit, ben, je le donne avec la main gauche. Tu vois? Mais attendez, subhanallah, c'est pas ça l'affaire, c'est que lorsqu'il commence à dire ça, il commence à pleurer, tu vois, en répondant, puis il explique ça avec plein d'émotions, puis il est très ému. Puis là, il pleure, il dit, je donne avec la main gauche, en voulant dire, j'ai pas le choix de faire ça, donc je le fais au moins avec la main avec laquelle on va se nettoyer quand on fait nos besoins. Hein? Donc, en fait, ça, c'est tout une drôle de façon de, oui, hein, oui, c'est ça. Il joue avec les gens et avec leurs émotions. Donc, Allah al-Musta'an te dit, c'est comme tu dis, ben, dans ce cas-là, écoute, si je dois tuer quelqu'un, je vais le tuer avec la main gauche, je vais pas le tuer avec la main droite. Ça devient halal, alhamdoulilah. Bon, il a pas dit que ça devenait halal, sauf que, hein, il a pleuré, donc, c'est ça, c'est comme ça il a essayé de le faire comprendre. Donc moi je me dis, si c'est ça d'adapter l'islam au contexte, alors ça bien entendu c'est clair que c'est pas plus halal, yani, c'est pas plus correct. Exactement. Exactement. Si je te dis par exemple, bon, j'ai une compagnie, et je donne un gros salaire à tous mes employés. Mais pour venir travailler dans mon travail, dans ma compagnie, si tu rentres, je vais te donner 100 000 par année comme salaire. Sauf que tu n'as pas le droit de faire aucune prière à aucun moment de la journée. Et tu dois vendre du porc. Et en plus, tu dois boire de l'alcool et servir de l'alcool. Est-ce que tu vas dire, ah ben, yani, ça paye beaucoup, donc étant donné que ça, on va adapter l'islam, hein, au contexte. Puis là, on va dire, ben écoute, si on trouve ce travail-là, bon, c'est pas grave, je vais m'arranger, je vais prier dans mon cœur, je vais pas faire ma prière, ou des choses comme ça. Non, à la fin, c'est comme si tu dis, tu veux pratiquer l'islam, et il y a un contexte qui est complètement haram, et tu sais que c'est complètement haram, et là, toi, tu veux y aller vivre dans ce contexte-là, puis après, tu dis, je vais adapter l'islam à ce contexte. C'est comme si là, tu es en train de dire que tu veux aller dans les endroits qui sont haram, et tu sais que c'est haram d'y aller, mais malgré tout, tu vas t'intégrer, puis tu vas t'installer, puis tu vas vivre ta religion là-bas quand même. Donc, tu vois, exactement. Donc c'est ça la fitna, mais le problème c'est ça, si tu dis, bon, moi j'insiste à vouloir absolument aller travailler dans cet endroit-là et vivre là-bas, et c'est mon droit, et ainsi de suite, donc là c'est de l'aveuglement, tu vois. Malheureusement les gens, comme ces gens-là, tu vois, ils veulent pas admettre la contradiction dans laquelle ils sont, puis qu'est-ce qu'ils font pour contourner ça? Ils essaient de jouer avec les textes du Coran et de la Sunna, d'essayer de mélanger, de déformer les principes de la charia, et oui, pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font, puis essayer de faire croire que ça passe, hein. Mais juste là, on va continuer, on va avancer un peu, après on reviendra, inchallah. Bon, alors le cheikh il dit, ensuite après avoir parlé de ça, il dit que le muhajir, c'est celui qui s'est écarté de ce que Allah a interdit. Et il dit que, donc ça c'est le muhajir, c'est écarté de ce que Allah a interdit. Et il a dit le djihad, il va continuer jusqu'au jour de la résurrection. En passant, on a expliqué dans un autre cours à ce sujet-là, qu'on dit comme, ça c'est une parole qui fait partie des paroles qu'on retrouve dans les fondements des salaf. Que le djihad, il va rester, il va durer jusqu'à la fin des temps. Al jihad maadin ila yawm al qiyamah ma kulli barr wa fajr. Les ulama, ils disent avec tout dirigeant, qu'il soit pieux ou pervers, on doit faire le djihad derrière le dirigeant. Donc, une des conditions qu'on connaît pour faire le djihad, c'est derrière le dirigeant, sinon on n'a pas le droit. À moins que c'est un djihad de défense et qu'on est surpris par l'ennemi et qu'on n'a pas le temps d'aller alerter ou averter le dirigeant. Dans ce cas-là, on se défend selon la possibilité ou la capacité. Et c'est permis de faire une entente de paix avec les ennemis si on n'est pas apte ou on n'a pas la force suffisante pour être capable de les affronter. Donc tout ça, ça a été détaillé. Mais le fait qu'on est dans une position, une époque de faiblesse, et qu'on ne puisse plus faire le djihad contre les ennemis de l'islam, ça ne veut pas dire que le djihad ne continue pas jusqu'à la fin des temps. Puisqu'il y a d'autres façons de faire le djihad. Le djihad avec la main, hein, le djihad avec la langue, le djihad avec la science, le djihad avec les arguments, avec la plume, le djihad avec ses biens et son argent. Donc, différents degrés de djihad. Même djihad avec le cœur. Tu peux faire djihad avec le cœur, avec ton intention. Donc, tu ne peux pas dire ou penser que parce que les musulmans sont dans une situation de faiblesse et qu'ils n'ont pas la capacité de combattre les ennemis à un moment donné, que ça veut dire qu'on a aboli ou annulé complètement le djihad. C'est ça ce que les djihadis et les takfiris accusent, hein, les dirigeants musulmans d'avoir fait. Ils accusent les gouvernements et les dirigeants musulmans d'avoir aboli le djihad et d'avoir annulé le djihad parce qu'ils ont fait des ententes de paix avec les pays non musulmans et parce que ils sont dans des situations de faiblesse, donc ils sont forcés ou obligés à faire ça. Donc ils ont dit, vous, puisque vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous ne voulez pas faire le djihad. Et quand il y a des djihads qui, soi-disant un combat, où les gens prétendent que ça c'est un djihad dans un pays quelconque, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, pourquoi vous nous empêchez d'y aller? Hein? Comme par exemple, quand il y a la guerre en Syrie, les dirigeants de différents pays musulmans ont interdit à leurs jeunes ou à leur population de se rendre dans ces pays-là pour combattre avec les autres. Hein? Donc, eux, ils considèrent, ils disent, si vous nous interdisez d'y aller, ça veut dire que vous êtes contre le djihad, donc vous êtes des kuffars. Tu vois comment ils pensent? Alors qu'il y a des raisons pourquoi ils empêchent leur population d'y aller. De un, il y a des ententes de paix. De deux, vous arrivez là-bas, vous n'êtes pas entraîné, vous ne connaissez pas le contexte. Et il y a plein de partis et de différents groupes qui s'affrontent les uns les autres. On ne sait pas qui est contre qui est avec qui. Et finalement, vous rentrez là-bas, vous vous faites tuer pour rien. Et il y a plein d'autres raisons aussi que les ulama ont mentionnées. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous empêche d'y aller qu'on vous a... on a aboli de façon définitive et absolue le djihad. Et en même temps aussi, quand ils reviennent de ces endroits-là, les jeunes, on les enferme et on les met en prison pendant un certain temps dans certains pays musulmans. Et la raison pour ça, c'est que les ulama ont expliqué que quand les jeunes s'en vont dans ces endroits-là, Il y a justement les khawarij, quand ils font les entraînements militaires, quand ils apprennent aux gens à utiliser les armes, en même temps, ils leur donnent une éducation, puis ils les endoctrinent dans les idéologies de takfir, et de déclarer les dirigeants musulmans, et ainsi de suite. Et ils les appellent à croire que leurs chefs d'État, puis les gens de leur pays sont des kuffars. Donc quand ils retournent, ils ont des fois des idées complètement déformées de la réalité de l'islam. Et donc, on les enferme et on les laisse dans une cellule, ou bien on les surveille pendant un certain temps pour vérifier qu'ils n'ont pas été infectés par les différentes idées contraires à l'islam et des bid'ahs. Comme une sorte de quarantaine. Lorsque quelqu'un a été en contact avec un virus ou une maladie, on ne va pas le laisser mélanger avec le reste de la population pour les contaminer. On va les retenir un certain temps jusqu'à ce qu'on ait convaincu qu'il n'y a pas d'effets qui vont se propager. Eh bien, si c'est le cas pour des questions qui ont rapport avec la dunya et les maladies physiques, que dire de ceux qui ont des croyances, des garments et des bid'ahs ou des idées de takfir qui sont beaucoup plus graves pour la religion de quelqu'un que les maladies et que les bactéries et que les virus. Donc, eux, ils disent, bon, puisque quand on part, vous nous empêchez de partir. Quand on veut partir, vous nous empêchez de partir. Quand on revient, vous nous emprisonnez. Hein? Et vous voulez pas qu'on aide, alors ça veut dire que vous pensez que nous, on est des koufars. Donc, vous êtes contre le djihad, donc vous êtes des koufars. A'udhu billah. Donc, c'est comme ça leur mentalité, c'est comme ça leur raisonnement. Mais dans le livre qu'on a fait, Al-Muhkam al-Mutashabih, c'est Takfir wal-Jihad, de Cheikh Mohamed Bazmoul, Cheikh Bazmoul, il a réfuté tous ces points-là, détail en détail, point par point, avec beaucoup d'explications, puis des preuves, puis des arguments très, très clairs. Donc, c'est pour ça que j'ai profité du moment pour en parler. Et aussi, en passant, juste un autre point aussi, c'est que lorsque des fois on dit, par exemple, quelqu'un est un djihadi, hein, ou comme les koufars disent, les djihadistes, certains pensent que ça veut dire que si on est, par exemple, pas djihadi, ça veut dire qu'ils pensent qu'on est contre le djihad. Et bien entendu, le djihad, ça fait partie de l'islam. C'est une adoration, parmi les adorations, on trouve des versets sur le djihad dans le Coran, des hadiths sur le djihad, des règles dans les livres de fiqh sur le djihad. C'est pas quelque chose qui est récent, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Dans tous les livres de fiqh, de tous les madhahib, que ce soit Hanafi, ou Maliki, ou Shafi'i, ou Hanbali, dans tous les livres de hadith, Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, il y a un chapitre qui parle du djihad et avec les règles et les conditions et les explications des ulama. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui est contraire à l'islam. Mais la différence entre les salafis, comment nous on considère et comment on comprend le djihad, et la façon dont les khawarij, hein, qui eux, ce sont eux qu'on appelle les djihadis en général, comment eux ils conçoivent et ils perçoivent le djihad, c'est des perceptions complètement opposées et contraires l'une de l'autre. Puisqu'ils confondent eux terrorisme avec djihad. Et ils se permettent de faire le djihad sans aucune règle et aucune condition. Hein? Donc, de penser que le djihad, c'est qu'est-ce que ces gens-là font, comme Daesh, ou comme Al-Qaïda, hein? Ou les Ikhwan, ou bien Jabhat al-Nusra, ou tous ces différents groupes, Boko Haram, hein? Et ainsi de suite, que ça, c'est qu'est-ce qu'ils font, c'est ça le djihad, comme Al-Shabaab en Somalie. Dernièrement, ils sont allés au Kenya, ils ont tué dans une université, je pense, plus qu'une centaine de 140, en tout cas, oui, je pense que c'est durant la semaine. Ils sont allés au Kenya, ils sont rentrés dans une université, ils ont tué 140 élèves et personnel, je pense, déjà de l'université. Subhanallah. Ouais. Donc, ça, c'est des exemples d'actions qui, eux, prétendent que ça, c'est du djihad, fi sabilillah. Ça, c'est totalement interdit par l'islam. Tu vois? Et donc, les salafis croient au djihad. Hein? Et eux, les kuffars, ils veulent essayer de diviser les salafis en différentes catégories. Les salafis djihadistes, les salafis quiétistes et les salafis politiques. Non! Même les salafis qui sont quiétistes, comme eux, disent, on croit que le djihad existe. Il y a un djihad, comme ils prétendent que on n'est pas pour le djihad. Tous les musulmans sur terre, ils sont obligés d'être pour le djihad parce que le djihad existe dans le Coran et dans la Sunna. Sauf que le djihad, c'est pas le terrorisme et c'est pas ce que ces gens-là font. Hein? Et le djihad dans l'islam, c'est comme n'importe quel, quand il y a un conflit militaire entre les musulmans et les kuffars et qu'ils combattent derrière leurs dirigeants avec l'armée du dirigeant, et que c'est une guerre officielle, eh bien, les croyants musulmans, quand ils participent à ce combat-là, ils ne le font pas comme des athées, ou comme des matérialistes, ou comme des communistes, ou comme des socialistes. Parce que dans l'islam, il y a des règles, des explications religieuses qui sont reliées à ces aspects de la vie-là. Parce que peu importe que tu dises que tu es pour la guerre ou contre la guerre, tout le monde déteste la guerre, de toute façon. Mais un athée ou un matérialiste, il ne va pas regarder la guerre de la même manière qu'un croyant. Et que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, la guerre fait partie des réalités de la vie. Il y a toujours eu des guerres depuis que l'être humain existe sur Terre. Hein? Et on espère qu'il y en aura moins ou qu'il n'y en aura pas, mais il faut être quand même réaliste et comprendre que c'est des choses qui existent, malheureusement. Et l'islam est venu pour justement mettre des règles et des principes pour que ces choses-là se fassent, mais dans une façon qui est faite selon les principes que Allah a approuvés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a donné l'exemple de ça durant sa vie parce qu'il a participé dans plusieurs batailles, plusieurs combats. Mais en même temps aussi, c'est le point de vue religieux et spirituel qui est relié à ça. Puisqu'il y a les notions de sacrifice reliées à ça, les notions de patience reliées à ça, les notions de courage reliées à ça. Il y a aussi les notions de patience. Bon, tout ça, ça fait partie des choses qui sont mises à l'épreuve lors de ces situations-là. Puis, c'est des choses qui ne se manifestent pas si les croyants ne sont pas éprouvés. Hein. Donc, Allah, il met les hommes à l'épreuve par ces situations-là. Et également aussi, il y a l'aspect de la foi en au-delà. Puisque le croyant, quand il combat, il sait que s'il meurt, c'est pas fini. Il y a quelque chose qui l'attend après la mort. Soit qu'il sera au paradis, soit qu'il sera en enfer. Donc il doit combattre pour des valeurs, il doit combattre pour des principes, il doit combattre pour la vérité. Il doit être sûr que la raison pour laquelle il combat, c'est un principe qui est vrai. Il ne peut pas combattre pour le batil, ou pour le faux, ou pour le mensonge, ou pour le shirk, ou pour le kufr. Et ça, c'est dans la vie du musulman de façon générale. Chaque chose qu'il fait dans sa vie, il doit toujours vérifier qu'est-ce que je fais, c'est en accord avec la vérité ou non. Et donc, il ne va pas faire comme un athée ou un kafir qui regarde juste son profit et son intérêt personnel. Tu travailles pour une compagnie de cigarettes. Ça ne me dérange pas que je vends des cigarettes ou que je travaille pour la compagnie de cigarettes, même si je suis responsable de la mort de 50 000 personnes ou plus par année, ça ne dérange pas. L'important, mon portefeuille, il gonfle, j'ai beaucoup d'argent, c'est ça le plus important. Tandis que le moukmen, non. Le moukmen, à cause de sa foi, il fait un jugement moral, il analyse les choses, il dit, ben écoute, ça, dans ma religion, c'est interdit. Allah, il a interdit de faire tout ce qui est mauvais pour le corps et pour la santé. Si je fume, c'est mauvais pour moi, mais ce n'est pas juste que c'est mauvais pour moi, c'est mauvais aussi pour les autres. Donc, est-ce que je peux, en tant que croyant, me permettre de détruire la santé des autres et pas me sentir responsable? J'ai pas le droit de faire ça. Donc, je dois être conscient de ça et donc je dis, je ne peux pas travailler pour cette compagnie-là. Même si on m'offre des millions de dollars en profit. Donc, ça c'est un exemple que je donne, mais ça s'applique à plein d'autres choses. Et ça s'applique même au combat et à la lutte. Quand on décide de défendre une cause ou de s'allier avec des gens, de se désavouer des gens. Mais tu vois certains, il y en a à Montréal, Allah Musta'an, j'ai vu ça dernièrement, par exemple, et ils s'allient, certains groupes islamiques à Montréal ou certaines mosquées, ils s'allient avec des communistes, avec des anarchistes, avec des socialistes, des gens qui, dans leur fondements sont ennemis de la religion et qui lient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'opposent même à la foi. Dans les pays musulmans où ils sont rentrés avec le communisme, ils ont brûlé des mosquées, ils ont détruit des mosquées, ils ont tué des savants de l'islam, hein? Ils ont fait la guerre aux musulmans pendant des siècles. Aujourd'hui, tu es à Montréal, tu t'associes avec ces gens-là parce que eux, ils cherchent un intérêt d'essayer de vous attirer. Donc, ils montrent qu'ils sont solidaires avec vous dans votre cause parce qu'ils cherchent un intérêt. Mais vous pensez que parce qu'ils vous supportent, que ça veut dire que leurs intentions, c'est quoi? De vous défendre parce qu'ils aiment la vérité de l'islam et de la charia? Jamais de la vie, ils détestent la charia. Donc ils disent, oui, on est contre le racisme. Tout le monde est contre le racisme s'il a un minimum d'intelligence. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre la révélation d'Allah? Est-ce que vous êtes pour la charia d'Allah? Est-ce que vous êtes pour le messager d'Allah? Oui ou non? Et la réponse, c'est non. Hein? Mais bon, l'homme, c'est un certain musulman, ils sont inconscients, là, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le cheikh, il dit, chaque personne doit réunir les deux caractéristiques, les deux descriptions du muhajir et du mujahid. Le muhajir, celui qui s'écarte des péchés, et du mujahid, celui qui s'écarte, ou bien celui qui, disons, lutte, hein, et qui fait fort, qui fait preuve de force. Il dit, chaque personne doit avoir ces deux caractéristiques-là. Le mujahid. Le muhajir, celui qui fait la hijra, c'est-à-dire il s'écarte des péchés, et le mujahid, celui qui lutte dans le sentier d'Allah. Donc le chef Ibn Taymiyyah, il dit, beaucoup des âmes qui sont douces, qui sont, disons, faibles, douces et fines en même temps, elles penchent plus vers la définition du muhajir, c'est-à-dire de s'écarter des péchés, mais pas du côté de la lutte. Parce qu'ils ne veulent pas lutter contre le faux. Tu vois beaucoup de musulmans comme ça. Ils sont prêts à pratiquer leur religion pour eux-mêmes, et à prier, et à jeûner, et faire toutes des adorations qui les concernent, qui concernent leur personne à eux. Mais quand ça a un rapport avec l'affrontement et le conflit, et l'opposition, tout ce qui est contraire à la vérité, là ils ne sont pas là. Hein? C'est pour ça que l'imam Ahmed, quand on lui a posé la question, on lui a dit, est-ce que celui qui prie et qui jeûne, hein, prie la nuit et qui jeûne, est-ce qu'il est meilleur ou celui qui réfute les gens de Bid'ah? Et l'imam Ahmed lui a répondu, lui a dit, celui qui fait la prière la nuit et qui jeûne, il fait ça pour lui-même seulement. Tandis que celui qui réfute les gens de Bid'ah, c'est un bien qu'il fait pour lui-même et pour tous les musulmans. Parce qu'il met en garde contre l'égarement, et il avertit contre l'égarement. Et donc, ce qu'il fait, c'est meilleur que celui qui fait juste la prière et le jeûne. Parce que le jeûne et la prière, c'est juste trois seulement. Donc, l'imam Ahmad a dit, celui-là, il fait plus de bien. Et il a considéré celui qui réfute les gens de Bid'a comme étant un mujahid. C'est pour ça que des fois, les gens de Khawarij, par exemple, eux qui prétendent que parce qu'ils prennent des armes dans leurs mains et qui tirent sur des gens, qu'ils sont plus des plus grands mujahidines, hein, alors que, et quand ils voient par exemple Cheikh Ben Baz qui réfute des mubtadi'a, qui corrige, hein, les gens, qu'est-ce que les gens ont falsifié de la religion, qui réfute les mensonges des gens de l'égarement, qui clarifie la vérité du tawhid et de la sunna et de l'islam. Hein? Ça c'est un plus grand djihad parce que ça prend beaucoup de science, et pour avoir cette science ça prend des années et ça prend beaucoup de patience et d'efforts, hein? Et le travail que ces ulama font pour défendre l'islam, des armées de milliers de musulmans ne sont pas capables de le faire. Des armées, tu prends Daesh au complet, ils ne sont pas capables de faire qu'est-ce que Cheikh Ben Baz tout seul il fait contre les gens de Bid'a. Mais il y a des musulmans, ils ne veulent pas cet affrontement-là. Hein? Même s'il n'y a pas de combat physique, juste le djihad avec la parole, avec la science, ils ne veulent pas. Même de réfuter un mubtadi', ils ne veulent pas. Ils disent, non, on est tous des musulmans, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas réfuter. On est tous des frères. Parce qu'ils ne comprennent pas le danger de la propagation de la bid'ah. Donc le cheikh dit, il y a des âmes qui sont plus douces, et qui penche plus vers le fait de s'écarter des péchés que de faire la lutte et le djihad. Et il y a d'autres âmes qui sont plus fortes, et qui penchent plus vers le djihad, mais ils ne veulent pas s'écarter des péchés. Donc ça, c'est les deux exemples d'extrême. Mais celui qui a réuni les deux ensemble, c'est lui qui réellement fait partie de ceux qui ont une foi sincère et réelle en islam. Donc c'est pas juste un aspect et laisser l'autre, mais c'est de prendre les deux ensemble. Après le cheikh il dit, il cite le verset dans le Coran, c'est le verset 55 et 56 de Surat Al-Ma'idah, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده ويخبر أن لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم والموالاة والمعاداة وإن كانت متعلقة بالقلب ولكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. Donc le cheikh dit dans ce verset là 55 et 56 dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc que les croyants doivent uniquement prendre pour alliés les croyants réels, ceux qui sont réellement croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, son messager et les croyants qui accomplissent la salat, acquittent la zakat et s'inclinent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Et donc le cheikh il dit, et ça on retrouve ça dans plusieurs versets, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de prendre pour allié les vrais croyants, parce que ce sont eux qui représentent son parti et son armée, et il informe également que ceux-là, ils ne prennent pas pour allier les kuffars et ils n'aiment pas les kuffars. Et on a expliqué plusieurs fois que le fait qu'on n'aime pas les kuffars et qu'on aime uniquement les mu'minines, ça ne veut pas dire que ça permet aux mu'minines de maltraiter ou d'être mauvais envers les kuffars, mais plutôt ça veut seulement dire qu'on doit les détester pour Allah à cause de leur mécréance. On ne doit pas les détester pour la dunya et pour des intérêts matériels ou des choses futiles. On doit les détester uniquement pour Allah, c'est-à-dire par rapport au fait qu'ils contredisent la foi et la croyance de l'islam. Et on doit aimer les mu'minines, pas pour des attachements, des intérêts de la dunya ou des choses de ce genre, mais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, donc c'est ça. Et en même temps, ça ne nous empêche pas d'être juste et d'être bon envers les kuffars, tant qu'ils sont eux aussi juste et correct avec nous. Donc ça c'est très important. Et le cheikh dit wal muwalat wal muwad mawadda wa in kana, donc il dit le fait d'aimer, l'amour et l'affection pour les croyants et l'amour pour les croyants et le fait de détester les kuffars, ça c'est quelque chose qui est relié au cœur. Quelque chose qui est relié dans le cœur à la base. Parce que l'amour, c'est une action du cœur. Et d'aimer pour Allah, c'est quelque chose qui est relié avec le cœur en premier. Parce que c'est ça qui fait la différence entre le croyant et l'hypocrite. Le croyant, il aime le mu'min. Premièrement, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aime les croyants. Et ceux qui sont pieux. Et cet amour-là, c'est dans son cœur. Tandis que l'hypocrite, il dit qu'il est musulman, mais dans son cœur, il n'aime pas Allah, il n'aime pas le messager, il n'aime pas les mu'minines, il les déteste. Ça, c'est une caractéristique du nifaq. Il n'aime pas les ulama de l'islam, il n'aime pas les gens qui défendent la foi. Il aime les kuffars, il aime les munafiqins, il aime les gens comme lui. Donc, la base de la al-mu'alat, c'est dans le cœur. Et il dit, le fait de contredire les kuffars en apparence et extérieurement, même dans ta façon de t'habiller, dans ta façon d'être, ça va t'aider encore plus à pouvoir couper toute affection, tout amour que tu pourras avoir pour les kafirines et te séparer d'eux. Parce que parfois tu vas dire, par exemple, moi je me distingue pas d'eux. En apparence et à l'extérieur, mais dans mon cœur, je ne les aime pas, je les déteste, pour Allah. Quelqu'un va dire ça. Mais tu dis oui, peut-être, mais si tu te distinguais d'eux dans ton apparence et extérieurement, et dans leur manière, eh bien, tu pourrais encore plus facilement te distinguer d'eux et te séparer d'eux. Parce que des fois, peut-être petit à petit, tu commences à te rapprocher de leur manière et de leur façon d'être. Pourquoi? Parce que tu leur ressembles. Et faites l'expérience, n'importe quel frère musulman, hein, qui veut voir si c'est vrai qu'est-ce qu'on dit, il fasse l'expérience. Quand il est habillé comme eux, exactement pareil, hein, et qu'il va parmi eux, et un jour, par exemple, ce frère-là, qu'il mette un camis pour aller parmi eux, et qu'il se distingue d'eux physiquement dans son habillement ou des choses, puis qu'il aille à la même place. Ou même qu'il... C'est pas seulement qu'il te déteste seulement. Des fois, peut-être qu'il va être indifférent. Mais il va voir qu'il a changé. Et toi, premièrement, tu vas sentir la différence. C'est-à-dire que le plus grand impact, c'est pas nécessairement de leur part qu'il va venir. Et c'est pas de eux que tu vas sentir les réactions seulement. Tu vas ressentir la réaction en toi-même et sur toi-même en premier. Parce que tu es conscient de ta propre image et de ta propre personne. Hein? Donc si tu t'habilles, on va dire que par exemple tu t'habilles comme un policier, avec le même costume que le policier, et que tu rentres dans une salle où il y a 1000 policiers habillés en uniforme, qui étaient habillés comme eux. Même si tu n'es pas un policier, tu vas te sentir comme eux. Et eux vont te sentir comme eux, comme si tu étais avec eux. Parce que tu leur ressembles. Hein? Mais si tu t'en vas là-bas, tu rentres dans le truc de police, tous les policiers sont là, et tu mets un costume de prisonnier, tu vas te sentir que tu n'es pas à la bonne place. Tu comprends? Hein? Donc c'est comme ça en fait. C'est que la première personne qui est consciente de comment elle est, c'est elle, la personne elle-même. Si tu es habillé à la mode, avec les derniers cris, les vêtements les plus chers et les plus à la mode que tout le monde aime, que tout le monde aimerait avoir, qui coûte très très cher dans les grands magasins, et que tu es bien habillé de la tête aux pieds, hein, le veston, la chemise, le pantalon, les chaussures les plus chères que tu peux trouver, les plus beaux looks, hein. Et tu rentres quelque part dans un endroit public ou ailleurs, tout le monde se tourne vers toi, ils ont l'attention vers toi. Tu vas pas te sentir de la même façon que si tu rentres avec un habit de sport. Hein? Un habit de sport Adidas ou je sais pas quoi, une autre marque, peu importe la marque, mais comme si tu es habillé comme un sportif. Hein? Ou avec un short. Hein? Ou des choses comme ça. Tu ne vas pas te sentir la même chose, tu vas te sentir bizarre. Surtout si tu es dans un endroit où tout le monde est habillé en costume, cravate, veston, des choses qui... Hein, des gens qui sont dans un endroit où ils sont tous habillés très très chic. Une apparence, un message. Exactement. Donc c'est ça que beaucoup de musulmans ne comprennent pas. Les musulmans ont perdu la fierté, beaucoup de musulmans, pas tous les musulmans, mais beaucoup de musulmans ont perdu la fierté de leur identité, de leur image. Hein? Tandis qu'un musulman qui est fier de qu'est-ce qu'il est et qu'il est attaché à sa foi, peu importe où il va dans le monde, il s'habille de la même manière. Il ne va pas changer d'habillement nécessairement parce qu'il vient à tel endroit ou à tel endroit ou à tel endroit. Non, il reste le même partout, comme l'Européen et l'Occidentaux. Quand il va aller, je sais pas moi, en Chine ou en Afrique, en Amérique du Sud, peu importe où il va pas changer son habillement pour être en accord avec la façon comment les gens s'habillent dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que lui, il est fier de son habillement et tout le monde essaie de s'habiller comme lui. Donc, lui, il ne va pas avoir de complexe. Ouais, tu vois? Donc, c'est ça. Toi, tu viens de la Côte d'Ivoire, donc tu vois? C'est ça. C'est ça. Donc, les parents, comme le père dit, les parents, ils étaient beaucoup plus attachés à leur tradition que les jeunes. Parce que les jeunes, c'est facile. Et c'est pour ça que les parents, ils travaillent toujours sur la jeunesse. On essaie de les corrompre et de les faire changer. Mais les ancêtres, les anciens, ils s'accrochaient fermement. Ils n'allaient pas changer. Ils n'allaient pas s'habiller comme X ou Y juste pour parce qu'ils trouvent, ah, ça c'est la mode. Pourquoi lui, il ne va pas s'habiller comme moi? Pourquoi moi, je vais m'habiller comme lui? Hein? Et le pire, c'est que maintenant, les musulmans, pas les koufars, les musulmans, ils te disent, mais pourquoi tu vas t'habiller comme ça? Pourquoi tu ne t'habilles pas normal? Hein? Pourquoi tu ne t'habilles pas normal comme tout le monde? Surtout les jeunes. Les koufars, maintenant, j'ai remarqué, toutes les émissions qu'ils font dans les pays de Côte, ce sont des émissions populaires, des émissions de réalité ou des trucs comme ça, ils font les versions arabes dans les pays arabes, les versions chinoises en Chine, les versions... Je ne sais pas si en Afrique ils ont fait ça aussi, mais Allah Moustan. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de mettre des modèles partout pour dire à tout le monde, voici le modèle de mode de vie que vous devez suivre. Et tout le monde a les mêmes émissions dans leur langue, dans leur pays. Même si c'est des pays où, allez, c'est des choses qui sont inacceptables. Hein? Comme par exemple, dans certaines émissions, ils demandent à des jeunes hommes et femmes de vivre ensemble dans une maison pendant je ne sais pas combien de temps, puis de avoir des relations entre eux, ou je ne sais pas quoi. Comment tu peux, dans un pays musulman, accepter une émission pareille? Tu vois? Bon, tu vois? Et là, après, il y a des gens qui essaient de défendre ça. Et même des dans les pays musulmans, même en Pakistan, en Inde, des choses comme ça. Donc, c'est pas juste le fait que ce soit haram, mais c'est le fait que les jeunes commencent à penser que c'est comme ça que la vie doit être. Et que c'est normal. Et d'accepter ça, ça dépasse l'idée de dire que ça c'est haram. Non seulement il croit pas que c'est haram, mais il l'accepte et il croit que c'est devenu normal. Oui, les médias, c'est sûr que ça fait un rapport avec ça. Le pouvoir des médias, c'est très fort. Et puis, en tout cas, on va revenir à ça. Le chef, il dit par la suite, il dit « Wa musharakatuhum fi al-zahir illam takun dhari'atan aw sababan qariban aw ba'idan ila naw'in ma min al-muwalat wal-mawadda فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة ومع أنها تدعو إلى نوع من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون لهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حليفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدليهم إذ أقصاهم الله لما دل عليه معنى الكتاب ولما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. Donc le chef il dit, en ce qui concerne le fait de leur ressembler en apparence, il dit, si ça c'est si ce n'était pas une cause dans le fait d'arriver à être comme eux et à les imiter, que ce soit une cause de proche ou de loin qui amène à les prendre pour alliés et à les aimer par la suite, il dit, c'est sûr qu'il n'y a pas le bienfait de les couper complètement et de s'en éloigner complètement. مع أنها تدعو إلى نوع من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. C'est-à-dire que si tu regardes l'être humain dans les habitudes qu'il a, il veut toujours ressembler à celui qui est proche de lui, puis avec celui avec qui il celui qu'il qu'il ressemble, يعني. وإن لم يكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والمواد فليس فيها مصلحة المقاطعة والمبايلة مع أنها تدعو إلى نوع من إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة. Donc c'est ça. Il dit si c'est pas une cause pour les prendre pour alliés, que ce soit de proche ou de loin, il n'y a pas quelque chose qui est mieux que de les couper complètement. C'est ça. Ça que ça veut dire. Il dit parce que ça va amener à avoir une certaine relation ou une alliance avec eux. Elle n'est pas une alliance, mais le mois sera, c'est-à-dire une communication, une interaction avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel. Hein? C'est quelque chose qui est obligatoire, naturellement. Que si tu as une relation avec quelqu'un, ben, tôt ou tard, il y aura une amitié qui va se créer. Et ça, c'est quelque chose qui est connu, hein, dans l'habitude même. Et il dit, c'est pour ça que les salafs, ils utilisaient le verset qu'on a mentionné, le verset qui parle de Al-Mu'alat al-Mu'adat, le fait de prendre pour allier les kuffars et l'interdiction de le faire. Ils utilisaient ces versets-là pour cesser de chercher l'aide des juifs et des chrétiens dans les ministères et dans les différentes fonctions publiques ou fonctions du gouvernement, par exemple. Donc, il condamnait le fait de prendre pour employés des juifs ou des chrétiens. Donc, il disait, par exemple, que c'est rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Moussa, radiallahu anhu, qui a dit, j'ai dit à Omar, radiallahu anhu, j'ai pris un scribe chrétien. Il dit, j'ai pris un scribe chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Omar? Il a dit, Malak, hein, qu'est-ce que t'as? Hein, Malak, qu'est-ce que, mais allez, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pris un scribe chrétien? Il a dit, que Allah te maudisse. N'as-tu pas entendu le verset d'Allah, le verset 6, dans le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah a dit ce qui se lui fait, « Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour allier, ils sont alliés les uns des autres. » Il lui a dit, « Pourquoi n'as pas tu pris un hanif ?» C'est-à-dire, « Pourquoi n'as pas tu pris un musulman ?» Alors, Abu Moussa, il a répondu, il a dit, « Oh, Amir al-Mu'minin, lui, il écrit, hein, il est, moi, j'ai son écriture pour moi, il me fait profiter de son écriture, et à lui, il a sa religion. Sa religion, c'est à lui. Son écriture, c'est pour moi. Et sa religion, c'est pour lui. Hein? Vous l'avez. Et je ne crois pas, je ne l'ai pas pris comme employé pour sa religion, je l'ai pris pour son écriture, sa compétence, parce qu'il sait écrire. Il a dit, je ne vais pas les honorer alors que Allah les a humiliés. Je ne vais pas leur donner de la fierté alors que Allah les a éliminés et je ne vais pas les rapprocher alors que Allah les a éloignés. Et là, donc ça c'est un exemple de parole des salafs. Un scribe, à l'époque, c'est quelqu'un qui, quand il lui parle, tu lui dis quelque chose, tu lui dictes une lettre ou un dessin, et lui, il le transcrit. C'est ça, comme un secrétaire. Ouais. Donc ça, c'est pour montrer, tu vois, comment les salafs, eux, ils voyaient ça. Il l'appelle Abu Shuja, le père du courage, le père courageux. En tout cas, regardez par contre, vois cet exemple-là, comment les salafs, ils n'aimaient pas prendre pour employés dans des postes sensibles des chrétiens et des juifs. Mais par contre, à l'époque de l'imam Ahmed, quand il y a eu la fitna de Khalq al-Qur'an, vous savez que les Mu'tazila avaient tué plein de ulama, c'était des juges, c'était toutes des gens qui avaient des positions dans le gouvernement, toute personne qui n'était pas d'accord avec la croyance des Mu'tazila, ils avaient été tués. Alors quand le Khalifa a pris le pouvoir par la suite al-Mutawakkil, il a demandé conseil à l'imam Ahmed. Il a dit à l'imam Ahmed, est-ce que je peux prendre pour employé des chrétiens? Parce que, des chrétiens ou des juifs. Parce que, pourquoi? Parce que les autres, c'est du Mu'tazila. Alors l'imam Ahmed a dit, prends des chrétiens et des juifs pour travailler dans ce poste-là. C'est mieux que des juifs et que des Mu'tazila et des Jahmiyyah. Pourquoi? Parce que le danger des Mu'tazila et des Jahmiyyah pour les musulmans est plus grand que le danger des juifs et des chrétiens. Puisque les juifs et les chrétiens, tout le monde sait que ce sont des kuffars. Personne ne va se faire tromper par des juifs et des chrétiens. Tandis que les Mu'tazila, ils parlent au nom de l'islam, ils se montrent comme étant des musulmans, ils rendent des shubuhat chez les gens. C'était plus dangereux à cette époque-là de faire travailler des Mu'tazila et des Jahmiyyah que de faire travailler des chrétiens et des juifs. Donc ça, c'est un exemple. Excusez-moi, je suis un petit peu malade en ce moment. Oui, ça c'est un exemple. Comment dans le contexte différent, on adapte les principes, on adapte les applications des textes selon le contexte des fois qui est différent. Alors, à la base, on ne prend pas des juifs et des chrétiens pour travailler. Mais si on a le choix entre des gens de Bid'a et des juifs et des chrétiens, et qu'on sait que ces gens de Bid'a-là sont un danger plus grand pour les musulmans que les juifs et les chrétiens, dans ce cas-là, c'est mieux de prendre des juifs et des chrétiens. Donc, on voit que comment les salafs analysaient les situations et appliquaient les principes. C'est ça. Mais la maslaha, par exemple, il regarde les questions de maslaha et de mafsada. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va ramener un plus grand bien, qu'est-ce qui va repousser le plus grand mal. Et des fois, tu as le choix entre deux mal seulement. Mais il y en a un qui est plus grand et un qui est moindre. Donc, dans ce cas-là, tu dois prendre le moindre. Et repousser un mal à précédence sur le fait de ramener un bien. Donc, il y a des règles dans la charia comme ça. Et la maslaha, elle est déterminée par la charia. Pas par rapport aux intérêts matériels seulement. Tandis que les hizbiyyin, ils déterminent qu'est-ce que c'est un bienfait uniquement par rapport à l'intérêt matériel et les choses de la dunya. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent en train de contredire l'islam. Après, le cheikh, il a dit, cette signification-là, c'est ça qu'on essaie d'établir et de prouver dans le livre. Et ça a été rapporté dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna des Khulafa Rashidin, des successeurs bien guidé. Et c'est également ce sur quoi tous les fuqaha et les savants de l'islam se sont mis d'accord sur le fait que c'est obligatoire pour les musulmans de contredire les juifs et les chrétiens et de ne pas leur rassembler. Il dit, وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم أمر بمخالفتهم وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع نعم donc on va lire cette partie. Le cheikh il dit dans le Bukhari Muslim, Abu Huraira il a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs et les chrétiens ne teignent pas leur barbe, alors contredisez-les et yani, distinguez-vous d'eux. Et il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a ordonné de les contredire parce qu'il a dit fakhalifuhum. Khalifou, ça veut dire faites le contraire, distinguez-vous d'eux. Et donc, ça, cet ordre de contredire les juifs et les chrétiens, ça implique que de les contredire de façon générale, c'est quelque chose qui est voulu par la charia, c'est quelque chose qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que si c'était juste le fait de les contredire dans le fait de teindre la barbe seulement, ou de teindre la barbe, hein, bien, il dit, si c'était juste pour changer la couleur de la barbe seulement, qu'on était interdit de les imiter seulement, eh bien, dans ce cas-là, c'est parce qu'il y aurait un bienfait dans le fait de les contredire dans cette chose-là seulement. Et donc, c'est pour dire le fait de la contradiction dans le sens, pourquoi le prophète Sansem nous a ordonné de les contredire? Est-ce que c'est juste parce qu'il ne veut pas qu'on mette notre barbe comme eux, qu'on teigne notre barbe comme eux ou nos cheveux comme eux? Ou bien, est-ce que c'est un exemple parmi les exemples de la charia en général qui nous interdisent de ressembler aux juifs et aux chrétiens dans tout, pas seulement dans la barbe? Donc, le chef de l'Othémia, il dit, ça, c'est un exemple qui indique qu'on est ordonné de façon générale de contredire les juifs et les chrétiens de façon générale dans toute chose. Sauf que même si quelqu'un disait que c'est juste dans cet exemple-là seulement spécifique, eh bien, ça montre que quand même, on est ordonné de les contredire dans cette chose-là. Donc, c'est soit une cause spécifique, ou bien soit que c'est une autre cause, une partie d'une raison. Hein, une partie d'une raison. Mais peu importe que ce soit de façon générale ou spécifique, eh bien, on peut dire que c'est clair que Allah nous a ordonné de les contredire. Et que ça, c'est quelque chose qui est voulu dans qu'est-ce qu'on a mentionné dans ce hadith-là. Il dit, لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إذا ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه أو للشيخ الكبير وقره بمعنى أخفض صوتك له ونحو ذلك وذلك لوجوه. Donc il dit, des fois on utilise dans la charia, on utilise un terme hein, pour nous ordonner de faire quelque chose, puis ce terme-là, il est général. Mais en même temps, il implique beaucoup d'autres choses hein, qui sont reliées à ce terme-là et qui sont en accord avec la sagesse de cet ordre. Comme par exemple, quand on nous dit à propos de l'invité, on nous dit honore ton invité, ça peut vouloir dire également aussi nourris-le. Hein? Donc, honorer ton invité, ça comprend de l'honorer aussi. Quand on dit à propos d'une personne âgée, un homme plus âgé, on dit respecte-le, eh bien, ça comprend, parmi les choses qui sont impliquées là-dedans, c'est de baisser ta voix en sa présence, de ne pas lever le ton sur lui, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on emploie uniquement un terme pour une chose que ça comprend juste cette chose-là seulement. Ça peut impliquer beaucoup d'autres choses qui sont reliées à ça aussi. Puis là, il va commencer à énumérer des exemples de ça. Donc, il va dire, par exemple, je regarde où on est rendu dans l'autre. Il dit Ahaduha, les wujuh, wadalika les wujuh. Ahaduha, anna l'amr, iza ta'allaka bismin maf'oulin, mushtaq, min ma'nan, kana l'ma'na illa l'il-hukum. Kama fi qawlihi azza wa jal, faqtulu l'mushrikin. Wa qawluhu, fa'aslihu bayna akhawaykum. قال صلى الله عليه وسلم عوذوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني وهذا كثير معلوم إذا كان نفس الفعل المأمور منه به مشتق من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق الأولى. Il donne un exemple pour dire que parfois, il y a un terme qui est employé, et ce terme-là, c'est un terme plus général. Il y a d'autres significations qui peuvent découler de ce terme général-là. Et donc, dans la signification de ce terme, on peut comprendre la raison du verdict. Comme par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Faqtulu al-mushrikin » donc « Tuez les mushrikin ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans le sens que il faut comprendre c'est quoi le shirk. Il faut comprendre c'est quoi le shirk. Et tout qu'est-ce que ça implique d'être le shirk. Donc, est-ce que ça veut dire uniquement ceux qui vivaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui il a combattu et qui faisait le shirk en adorant des idoles, ou bien ça peut impliquer également d'autres que ces mushrikines-là. Ça peut, toute personne qui rentre dans la description et dans la signification de ceux qui font le shirk sont inclus dans cet ordre, pas seulement les Arabes parmi les mushrikines. Donc ça c'est un exemple. Et le shirk, il explique justement ici. نعم الذي ميزة هذا الوجه ميزة هذا الوجه والوجوه التالية له من هذا التقسيم بخط تحت كل وجه منها تميزا لها عن غيرها لأن التقسيمات تتداخل وسيذكر المؤلف تحت هذا التقسيم وجوها وهي أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان معنى العلة للحكم. نعم. ثانيا أن جميع الأفعال مشتقة على ما بينه المؤلف. ثالثا أن عدول الأمر عن لفظ خاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له من فائدة. ورابعا أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد. وخامسا أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أن علة أنه علة له من غير وجه. des trucs très techniques, très comme on dit spécifiques, détaillés, vraiment ça c'est quand Ibn Taymiyyah rentre dans l'usul, commence à expliquer des éléments comme ça pour expliquer ses arguments. Il explique que des fois il y a des termes qui sont mentionnés, mais ça comprend, ce terme-là comprend plusieurs significations. C'est pas seulement la signification du mot lui-même. Et il faut comprendre donc tout ce qui est plus général. Et il dit والوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منها مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في لفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والنبوة كالأبوة والبنوة أو الأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله اتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وآمنوا بالله ورسوله واعبدوا الله ربي وربكم فعليه توكلوا فإن النفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر ولكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له فإنه إذا قال فتحرير رقبة فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن به بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات لكن المقصود هو المطلق المشترك بين المعنى بين المعينات وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام وتارة يكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره فإذا روى رجل على فإذا رأى أو روي رجل على زنا فقيل له اتق الله كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا لأن سبب اللفظ العام لابد أن تدخل فيه وكذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية لأنه سبب اللفظ العام Donc c'est ça. Le chef il dit que c'est pas des fois Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de faire quelque chose qui est général. Comme par exemple il dit craignez Allah. Ou bien il dit wa ahsinu. Soyez bon. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Ou bien il va dire aminu billahi wa rasulih. Ou bien il va dire a'budu Allah, adorez Allah. Ou bien mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tous ces versets là. Allah, il ordonne la taqwa, il ordonne l'ihsan, il ordonne l'iman, il ordonne l'ibada. Et toutes ces choses-là impliquent la même chose. Parce que la taqwa, c'est quoi? La taqwa, c'est de faire ce qu'Allah a ordonné, de s'écarter de ce qu'il a interdit et d'espérer en sa récompense si on le fait et d'espérer être écarté de son châtiment. Si on le fait. Donc, ça c'est la même chose que l'ihsan aussi. L'ihsan, ça comprend toute la religion. Et l'iman, la même chose. L'ibada, la même chose. Donc, si je te dis, crée Allah ou sois pieux, alors que ou je te dis, sois bon, ou je te dis, sois un croyant, ça implique toujours la même chose. Que tu dois faire ce qui est bien puis t'écarter de ce qui est haram. Donc, le fait que quelque chose soit général dans un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut comprendre plusieurs choses. Et quand il dit par exemple ici, Allah SWT, dans un verset, il nous ordonne de libérer un esclave. On va dire libérer un esclave. Fatahriru raqaba. Hein? Donc il dit, il faut que cet esclave, dans ce verset-là, il est mentionné de façon absolue. Donc il n'y a pas de détail. Est-ce que c'est un esclave blanc ou noir, un grand ou un petit, un arabe ou un non-arabe, ou des choses de ce genre. Donc toutes ces choses-là sont impliquées. Il n'y a pas de détail. Donc tu dois répondre à l'ordre en libérant un esclave, sans autres détails qui sont mentionnés. Il dit la même chose que lorsqu'on dit « crains Allah » et « contredisez les juifs », vous faites le contrat des juifs, eh bien, des fois, il dit, le fait de faire preuve de taqwa, ça comprend de faire qu'est-ce que Allah a ordonné et qu'est-ce qui est obligatoire, comme de faire la salat, ou de faire le jeûne, et parfois, ça peut aussi impliquer d'abandonner qu'est-ce qui est haram. Donc, si tu dis à quelqu'un qui ne fait pas la salat, tu dis, « Taqillah », ça veut dire quoi? Ça veut dire faire la salat. Si tu vois quelqu'un qui est en train de faire le zina, tu lui dis taqillah, ça veut dire de craindre Allah, mais en particulier d'abandonner le zina. Donc selon le contexte. Donc c'est ça que le cheikh explique, que c'est pas parce qu'on emploie un terme qui est général que ça implique uniquement l'interdiction de ce péché-là, mais ça comprend toute la religion en même temps. Donc il dit par exemple dans le hadith qu'on a lu, que les juifs et les chrétiens, ils teignent leur barbe, ils teignent leur barbe, faites le contraire de cela, ça veut dire, pas seulement de les contredire dans le fait de teindre la barbe, mais de les contredire dans tout, de façon générale, mais en particulier dans cette chose-là, dans ce hadith. D'accord? Donc il dit, وَسَبَبُهُ أَنَّ الْفِعْلْ فِيهِ عُمُومٌ وَإِطْلَاقٌ لَفْضِيٌ وَمَعْنَوِيٌ فَيَجِبُ الْوَفَى بِهِ وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه لأن العموم هنا من جهة المعنى فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة في المطلقة وذلك لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما وكذلك سائر ما يذكرون فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين قلت هذا سؤال قد يريده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لأن لا من جهة عموم الجنس لأنواعه فإن العموم ثلاثة أقسام عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يسبق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه وعموم الجميع لأفراده وهو ما يسبق فيه أفراد الاسم العام على آحاده وثالثا عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يسبق فيه نفس الاسم العام على أفراده فالأول عموم الكل أجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما قول في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه فإن غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل صلي فصلى ركعة وخرج بغير سلام أو قيل صم فصام بعد يوم ولم يكن فصام بعد يوم لم يكن ممثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل وأطعمه وضربه لم يكن متمثلا لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ترك فعل ما يسره وترك ما يسوءه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة، وكذلك يحصل بإطعام لقمة، وكذلك إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، ويكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر، ولا يقال إذا خالف في شيء ما قد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما قد حصلت الموافقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق ومفهوم المطلق من اللفظ. إن اللفظ يشتمل مطلقا ومقيدا، فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه. وكذلك المعنى المطلق يحصل بحصوله بعد المسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة. أما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد. فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا، ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة، وفي المني والمتغيرات وسائر المائعات، فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد. وإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. أما يعني أوكي Donc il explique maintenant des choses là, ça c'est, je vous dis, il rentre dans les détails. Là, il n'est plus dans l'argumentation avec des preuves de la charia, il est dans l'usul maintenant, il rentre dans les détails de usul al-fiqh. Donc il explique la différence entre le sens général d'un mot, puis tout ce que ce mot-là peut impliquer comme différentes significations. Donc il dit, comme exemple, si tu dis... soit honore ton invité, puis tu lui donnes une bouchée, ben, tu n'as pas rempli la signification de honorer ton invité, tu vois, parce que s'il a encore faim, tu ne l'as pas honoré comme il faut. Si par exemple, Allah t'a dit lavez vos visages quand tu fais ton wudu, eh bien on sait que le visage, il comprend différentes parties, le front, les joues, donc il dit si tu laves juste une partie de ton visage, comme une joue ou bien. Le front, t'as pas lavé ton visage parce que ça c'est juste une partie du visage. Et puis dans plusieurs autres exemples comme ça, pour dire que beaucoup de gens font des erreurs dans ce sujet-là parce que ils font pas la différence entre le sens général et les différentes parties de ce que ce sens-là peut avoir comme implication. Après, il donne le deuxième exemple. La première partie c'était ça, al-umum al-kull, le sens général de l'affaire au complet, et ses différentes composantes. Le deuxième c'est umum al-jami' li afradihi. C'est proche, elle est dans la signification, parce que al-kull et al-jami' c'est proche comme signification. Al-jami' ça veut dire les différentes parties au complet, puis al-kull ça veut dire le tout, un tout. Voilà, qu'est-ce qu'il veut dire par le deuxième. Il dit, amma al-qism al-thani, je comprends pourquoi le cheikh il n'a pas fait de charge de ça. Parce que c'est vraiment au souli. Ça va dans des détails, puis les gens ne vont pas comprendre. La plupart des gens ne vont pas comprendre tout ce que ça implique. Mais on le lit ensemble comme ça, juste pour que, disons, qu'on comprenne de façon générale. Je ne vais pas traduire tout. Je vais traduire juste les choses les plus importantes. Comme un petit résumé. Le cheikh il dit ensuite, « Amma al-qism al-thani min al-umum, فهو عموم الجميع لأفراده كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين كل مشرك comme je disais tantôt. La deuxième catégorie, le sens général de toutes les différentes, de toutes les parties qui comprend tout, chacun des éléments différents. Donc quand Allah dit tuer les mouchriquines, ça comprend chaque mouchriq. Donc c'est pas juste, par exemple, une catégorie de mouchriq, une catégorie comme par exemple de dire juste les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des tribus et de telle personne. Non. Toute personne qui rentre dans la définition de qu'est-ce que c'est le shirk, il est un mouchrik. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de les combattre. Donc ça c'est un exemple. Donc il dit والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر يعني جميع انواع القتل والمسلم والكافر. Donc il parle du hadith ici que il dit on tue pas un musulman pour un kafir. Donc si un kafir a tué un musulman, plutôt si un musulman a tué un kafir, le musulman va pas être tué pour avoir tué un kafir. Parce qu'il n'y a pas d'égalité entre le kafir et le musulman. Donc si, on va dire, un musulman commet un crime en tuant un kafir, eh bien, il ne va pas être exécuté comme s'il avait tué un musulman. Mais ça, les ulamas ont expliqué que ça, c'est dans le cas où le kafir en question, c'est pas un mustamam ou un mu'ahad. C'est ça, il n'y a pas d'entente de paix. Si c'est un kafir qui est zimmi, comme un juif ou un chrétien qui est zimmi, ou bien qui est mu'ahad, il vient dans les pays musulmans avec une entente, avec un visa ou des choses comme ça, ou bien qui est un mustamam. Donc, c'est là, celui qui les tue parmi les musulmans, il va être exécuté. Il va être exécuté pour avoir tué ce kafir. Et la raison pourquoi, c'est aussi parce que c'est une khiyana, c'est une forme de trahison. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Donc dans ce verset là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui font le désordre sur la terre. Et bien souvent les ulama ils citent ce verset là comme exemple pour ceux qui ont tué des innocents parmi les kuffars dans les pays musulmans, qui ont une entente de paix avec les musulmans. Et bien ils ont mentionné ce verset là. Pourquoi? Parce que ils ont tué des musulmans qui sont sous la protection du dirigeant. Et en faisant ça, ils ont trahi l'islam et les musulmans. Et donc, ils ont fait du désordre sur la terre, ils ont semé le désordre sur la terre. Et donc, la récompense pour ça, ou la punition pour ça plutôt, c'est que soit qu'ils soient tués, s'ils ont tué, ou qu'ils soient crucifiés, qu'on leur coupe les mains et les pieds à l'extrémité, des côtés opposés. أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لو سيان كوب لا مي دوا دون كوب لو بي غوش. لو سيان كوب لا مي غوش أو كوب لو بي دوا. أو ينفوا من الأرض. Et c'est selon la sévérité du crime. Plus que le crime est grave, plus que les punitions sont sévères. Donc ça c'est juste un exemple pour clarifier par rapport à ça. Et إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما. Et tu dis, si on comprend ça, que par exemple, c'est le sens général qu'il faut regarder, pas juste les différentes parties de la signification, ou différents éléments qui composent cette signification-là, eh bien, on comprend que quand le prophète Sansom nous ordonne de contredire les juifs et les chrétiens, c'est pas seulement de contredire dans une chose en particulier, mais c'est de contredire de façon générale. En fait, tout ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est pour expliquer que si le prophète a dit laissez pousser votre barbe, contredisez les juifs, les chrétiens, contredisez les majus, teignez pas votre barbe, ne pas teindre votre barbe, ça ne veut pas dire que le prophète nous dit juste de contredire dans ces différentes choses-là seulement, mais ça veut dire qu'il nous ordonne de contredire dans tout et dans ces choses-là en particulier. C'est ça que Cheikh Ibn Taymiyyah est en train d'expliquer. Et il est en train de mentionner ou d'énumérer des exemples dans les significations des mots, dans les exemples de usul, pour prouver ce fondement-là, pour prouver ce principe-là. Donc il dit « وَإِذَا كَانَتَ الْمُوَافَقَةَ قَدْ حَصَلَتْ فِي أَكْتَرٍ مِنْهُ » Donc il dit « لَا تَحْصُلُ الْمُخَالَفَ فِي شَيْءٍ مَا إِذَا كَانَتِ الْمُوَافَقَةَ قَدْ حَصَلَتْ فِي أَكْتَرٍ مِنْهُ » Donc il dit « Si par exemple tu as contredit les juifs, les chrétiens, dans le fait de teindre la barbe, supposons, mais que dans tout le reste tu les as imités, est-ce que tu peux dire dans ce cas-là que tu les as contredits ? Non, tu ne peux pas, parce que tu ne les as pas contredits dans tout. Tu continues à les imiter. Donc, c'est ça que le cheikh il dit. وَإِنَّمَا تَحْصُلَ بِالْمُخَالَفَ فِي جَمِيعَ الْأَشْيَاءَ أَوْ فِي غَالِبِهَا. Donc, c'est seulement si tu les as contredits dans toutes les choses ou dans la plupart des choses. Là, tu peux dire que tu les as contredits. Il dit إِذِ الْمُخَالَفَ الْمُطْلَقَةَ ضِدَّ الْمُوَافَقَةِ الْمُطْلَقَةَ. Parce que le fait d'être contraire à eux de façon absolue, c'est son opposé, c'est quoi ? C'est d'être en accord avec eux de façon absolue. Tu vois ? Donc, c'est ça. Si tu dis contredire les juifs, les chrétiens de façon totale et complète, le contraire de ça, c'est quoi ? C'est de leur ressembler dans tout. Si tu leur ressembles dans une chose, si tu les contredis dans une chose, mais que tu leur ressembles dans le reste, parce que là, tu ne les as pas contredits de façon générale. Donc, tu ne les as pas vraiment contredits dans ce sens-là. Et donc, il dit « إِذِ الْمُخَالَفَ الْمُطْلَقَةَ ضِدَّ الْمُوَافَقَةِ الْمُطْلَقَةَ فَلَا يَجْتَمِعَانِ بَلِ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ » Donc, tu peux voir qu'est-ce qui est le plus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de plus. C'est lequel côté qui est plus lourd. Si c'est l'al-mukhalafa, dans ce cas-là, tu les as contredits. Mais si, qu'est-ce qui est plus long, c'est al-muwafaqa, que tu es en accord avec eux dans plus de choses, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que tu les as contredits. Donc, ces deux choses-là ne peuvent pas se rejoindre, se retrouver et se réunir. Et il dit, on juge selon qu'est-ce qui est le plus apparent, le plus courant. Il dit, « وَهَذَا تَحْقِيقُ الْجَيْدُ لَكِنَّهُ مَبْلِيُنْ عَلَى مُقَدِّمَةً وَهُوَ أَنَّ المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة أمور الظاهرة فإن خفي هذا فإن هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني. Donc il dit, si tu veux, il dit ça, c'est une analyse qui est bonne, mais elle est basée sur une prémisse, bien sur une introduction, c'est-à-dire que la compréhension d'un mot, ou du mot, du fait de faire le contraire des kuffars, des mouchriquins, de façon absolue et générale, ça comprend de contredire dans tous les aspects apparents de ce que font les juifs, les chrétiens, les kuffars en général. Et si ça, c'est pas encore compris correctement et c'est pas clair, alors on peut expliquer en mentionnant des autres exemples aussi. Donc il donne un autre exemple, deuxième exemple, il dit وهو العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال فإن كان الأمر أو فإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح ثم نقول هم أن الأجزاء يحصل بما يسمى مخالفة ولكن الزيادة على القدر المجزي مشروعة إذا كان الأمر مطلقا في قوله تعالى اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ الأعم منه معنى كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه وعن لفظ فصبه إلى لفظ فخالفوهم لا بد له من فائدة وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص فليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد لذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص وهذا بين عند التأمل. Donc il explique une autre règle. Il dit que si Muslim, tu peux m'amener une autre boîte de cuisine, s'il te plaît. Le bureau, je crois qu'il y en a une. Donc il dit pourquoi dans les textes, Allah, au lieu de dire nourris-le, ton invité, il a dit honore-le. Et pourquoi il a dit, par exemple, pourquoi il n'a pas dit fasbiru, le sabr, yani, de taïdre, pourquoi il n'a pas juste dit contredisez-le. Donc s'il n'a pas utilisé ces termes-là, et qu'il a utilisé les termes qui sont plus généraux au lieu du terme plus spécifique, bien ça doit être parce qu'il y a un profit ou quelque chose de bénéfique là-dedans. Donc c'est plus bénéfique de mentionner le sens général parce que ça implique plus de choses. Ok. On va voir où on est rendu. On a presque fini, Inch'Allah. Ok, il dit الوجه الرابع أن العام أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر علمت أن النبيه مسكر وعلمت أن النبيه مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص إذا an example ça c'est toutes les règles auxquelles on fait. Il dit par exemple si tu sais que tout intoxicant rentre dans la définition de qu'est-ce qu'on appelle le vin, donc tu sais dans ce cas-là et que tu sais aussi que le cidre ou qu'est-ce qu'on appelle un nabir, c'est un intoxicant. Donc, ça veut dire que, dans ce cas-là, tout ce qui rentre dans le sens général, tout ce qui est spécifique, qui rentre dans ce sens général-là, aura la description de cette chose spécifique. Comme par exemple, si tu sais que tout ce qui est intoxicant, c'est du khamr, que le khamr, c'est haram, donc tu sais que la bile c'est un intoxicant, donc tu sais que c'est haram. Donc il rappelle des règles comme ça. فإذا كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له. C'est la différence entre le sens général et le sens spécifique. وإذا إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده وإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصدا بالأول لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به ففي قوله أكرمه طلبان طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به فعل المطلق وذلك لأن حصول المعين مقتضى لحصول المطلق وهذا معنى صحيح إذ صادف فطمة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. وبقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع هنا صحيح، وهذا صحيح، ولكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء به، قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت إذا ثبت أن الجنس المقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، فلو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي، وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن المخالفة في لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل على هذا أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبرون، فالتقدير اصبروا لأنهم لا يصبرون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. ويوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبر لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به، وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة من قطع النظر عن مخالفتهم، فإن هنا شيئين. Donc il explique ici que le fait de contredire la preuve que c'est un ordre de contredire les juifs et les chrétiens, c'est que il dit ils ne le font pas, alors ils ne teignent pas. Mais dans ce hadith-là, ça dit les juifs et les chrétiens ne teignent pas leur barbe. Alors faites le contraire, c'est-à-dire teignez votre barbe. C'est ça que ça veut dire. Et là, donc ici, c'est ça. Il dit une chose qui vient confirmer qu'on est ordonné de les contredire de façon générale, c'est qu'ils mentionnent qu'eux, ils ne le font pas. Donc, du moment qu'ils ne le font pas, et que le prophète Sosoum nous dit de faire le contraire de ce qu'ils font, c'est la preuve que on est ordonné de les contredire. Aïna. Donc, parce que sinon, il n'y aurait aucun besoin, aucune nécessité de les mentionner, ou de dire qu'eux, ils le font, ou qu'ils ne le font pas, ça n'aurait aucune importance. Le prophète Sosoum aurait juste dit « Tenez votre barbe. » Mais pourquoi il nous dit qu'eux, ils ne le font pas? C'est parce qu'il veut qu'on les contredise. C'est ça qu'il veut dire. Il dit à deux choses ici. أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما فيه مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. Donc premièrement, il y a un bienfait dans le fait de contredire les kuffars de façon générale, les juifs et les chrétiens dans leur apparence extérieure, et ce bienfait-là pour les serviteurs d'Allah, pour les mu'minins, il est apparent. C'est dans le fait de les contredire et de se distinguer d'eux, et bien il y a le fait qu'on va s'éloigner des actions de ces gens-là, qui sont les gens de l'enfer. Et c'est seulement celui dont Allah a illuminé le cœur qui peut voir certains des bienfaits qu'il y a dans le fait de contredire ces gens-là. Jusqu'à ce qu'il voit ce que les gens qui ont encouru la colère d'Allah ainsi que les égarés ont comme caractéristiques qui sont des maladies dont les effets néfastes sont plus néfastes que les maladies du corps. Donc, regardez, celui qui les connaît de proche, il connaît plus leur danger et le danger de les imiter que celui qui les connaît de loin. C'est pour ça que parfois tu vois que certains musulmans qui ont vécu avec eux et qui les connaissent de proche, ils sont plus au courant de leur égarement et de leur comportement dévié que ceux qui les ont connus de loin. Et donc parfois ils vont avoir des positions beaucoup plus claires et beaucoup plus fermes envers eux que ceux qui ne les ont pas connus et qui ne connaissent pas clairement leur égarement. Deuxièmement, le cheikh il dit, الثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا قد يكون مضرا يعني مضرا نعم أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص. الشيخ يقول que tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont comme guidance ou comme comportement, ça se peut qu'il soit nuisible ou bien qu'il soit défaillant et qu'il manque quelque chose dedans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, ils ont un bon comportement, ils ont ci, ils ont telle qualité, telle caractéristique. Ils disent, sache que dans qu'est-ce qu'ils ont, il y a soit quelque chose de nuisible, ou soit quelque chose qui manquant dedans. Et donc, il faut interdire d'essayer de leur ressembler là-dedans. Parce qu'en apparence, ça peut sembler bon, mais en arrière, il y a quelque chose qui est mauvais, et que toi, tu ne sais pas. Parfois, toi, tu dis, oh, regarde, ils ont telle qualité, ou telle qualité. Mais tu ne sais pas pourquoi ils ont cette qualité-là. C'est pas la même, c'est peut-être pas du tout pour des bonnes raisons qu'ils ont cette caractéristique-là. Par exemple, si c'est juste pour la dunya, comme par exemple, qu'est-ce qu'ils font pour les intérêts de la dunya, pour le commerce. Bien entendu, alors, si c'est de se lire dans le bien, c'est bien, mais il faut voir aussi qu'est-ce qui est derrière comme intention et comme réalité. Hein? Après, il dit, وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْكَمَالِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ إِلَّا وَهُوَ. Donc, il dit, donc, il dit, ce qu'ils font, c'est soit nuisible ou soit c'est défaillant, et donc il faut l'interdire et ordonner le contraire, subhanallah. Parce qu'il y a un bienfait et une perfection là-dedans. Il n'y a rien de leurs affaires excepté que ce soit lusible ou défaillant. Et il dit, لأنما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يعني يقبل الزيادة والنقص فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصل على وجه الكمال لا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. Il dit parce que leur religion, c'est soit que c'est des choses innovées ou des choses abrogées. Et la religion des Juifs et des chrétiens, soit que c'est des choses qui sont innovées, ils ont inventé, ou soit c'est des choses qu'ils ont abrogées. C'est-à-dire qu'ils sont abrogés, Allah les a abrogés. Ils ne sont plus légiférés pour eux. Mais ils continuent à les pratiquer. Donc, ce qu'ils ont comme religion, c'est soit que c'est abrogé à la base, ou bien soit qu'ils ont ajouté ou enlevé dedans. Donc, il faut, dans ce cas-là, les contredire dans ces choses-là et suivre qu'est-ce qui a été légiféré pour nous. Parce que c'est là-dedans qu'il y a la perfection. Et il dit, on ne peut pas concevoir que quoi que ce soit de ce qu'ils feraient ou de ce qu'ils auraient dans leur religion pourrait être complet ou parfait. فإذا فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم وقد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من ترك الدنيا أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا فالمخالفة فيه صلاح لنا. Donc il dit le cheikh, donc il faut les contredire dans ces choses-là. Et il dit, même s'il y a un bienfait, quelque chose de, qui semble bon dans leurs affaires, même dans ce qu'ils semblent maîtriser des affaires de, la, de leur dunya, eh bien il peut y avoir dedans quelque chose qui est lésible pour qu'est-ce qui a rapport avec l'au-delà. Ou qu'il y a des choses qui sont parmi les choses de la, des ordres de la, des affaires de la dunya, des choses qui sont plus importantes que ces choses-là. Et donc, de les contredire dedans, il y a un bien pour nous. Il dit, وَبِالْجُمْلَ on va s'arrêter avec ça. Il dit, وَبِالْجُمْلَ فَالْكُفْرُ بِمَنْزِلَةِ مَرَضِ الْقَلْبِ وَأَشَدْ وَمَتَى كَانَ الْقَلْبُ مَرِيضًا لَمْ يَصِحُ شَيْءٌ مِنَ الْأَعْضَاءِ صِحَّةً مُطْلَقَةً وَإِنَّمَا الصَّلَاحُ أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو ولكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بالنفس المخالفة لعدم استبانته بفائدته أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء ولكن ملك هو غاية الصلاح ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. Donc il explique ici un point, c'est bien expliqué. Il dit que de façon générale on peut dire que le kufr c'est comme une maladie dans le cœur. La mécréance, c'est comme une maladie dans le cœur, ou pire. Et donc, du moment qu'une personne elle a cette maladie-là dans son cœur, il n'y a pas un des membres de son corps qui est en bonne santé, de façon absolue. Mais d'être en bonne santé et d'être bien, si tu veux être bien et en bonne santé, tu ne dois pas ressembler à quoi que ce soit, et dans quoi que ce soit, à celui qui a un cœur malade. Dans quoi que ce soit de ses affaires. Même si la maladie qu'il a dans les autres membres de son corps t'échappe. Parce que, tu vois, ce mécréant-là, son cœur est malade. Mais ses autres membres de son corps, peut-être tu ne vois pas la maladie dedans. Mais il y a quelque chose qui est affecté par cette maladie-là. Donc tu ne dois pas limiter dans quoi que ce soit de ce qu'il fait ou dans quoi que ce soit de ses affaires. Il dit, et c'est suffisant pour toi de savoir que si la base chez le mécréant est corrompue, ça a un effet sur le reste. Et donc, celui qui prend attention à ça, il va savoir la sagesse dans ce que Allah a révélé. Et c'est possible que, par exemple, il y ait une maladie dans le cœur de la personne qui l'amène à douter dans l'ordre de contredire les kuffars, ou qu'il ne voit pas le bienfait dans le fait de les contredire. Il ne voit pas clairement le bienfait de les contredire. Ou bien il s'imagine que c'est juste une catégorie parmi les catégories de choses que font les dirigeants ou les rois qui veulent l'injustice ou s'élever sur la terre, sur les autres hommes. Et il dit, et je jure que la prophétie, c'est le plus grand royaume que Allah peut donner à qui il veut et enlever à qui il veut. Mais le roi, par contre, il dit Walakin al-Malik al-Mulk, Walakin al-Mulk al-Nubuwa. Mais par contre, la prophétie, c'est le niveau le plus élevé de bien, et celui qui ordonne aux serviteurs ce qui est le mieux pour eux. Celui qui obéit au prophète dans ce qu'il a ordonné, eh bien, il sait qu'il a ordonné ce qui est meilleur pour les serviteurs dans leur vie et dans l'au-delà. Il dit donc la réalité, c'est de comprendre et de savoir que tout ce que les kuffars font, et tout ce qui est relié à leurs affaires, il y a un problème dedans qui empêche que ce soit un bienfait complet. D'accord ? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera le prochain tour. Je sais que le cours d'aujourd'hui, il a été un peu difficile, comme je vous ai dit. Le chef, il n'a même pas fait de commentaires sur cette partie-là. La raison pourquoi, c'est parce que, justement, c'est des questions de usul. C'est des questions de usul. Là. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ash'hadu an la ilaha illallah. Ash'hadu an la ilaha illallah.